Vous êtes les mères de demain. Qui, hormis vous, Yannis, sont les mères de demain, la génération des musulmans? Antum. Donc, instruisez-vous. Conservez la fraternité entre vous. Entraidez-vous, Yannis, entre vous. Préservez votre religion en fuyant les domiciles des koufars, des mécréants. Car ces personnes-là dépensent et feront tout pour vous compliquer l'application de votre islam. Et vous mettre des contraintes dans votre religion. Pour vous mettre des contraintes dans votre religion. Et cela est juste afin que vous soyez comme eux, ou que, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ismat al-afiyah, que vous apostasiez. Wa qala jalla wa ala, wa la yazaluna yuqatilunakum, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Et ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce que vous apostasiez s'ils en ont la capacité. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, an yaqsimana wa iyyakum min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan, wa akhir da'wana. أن الحمد لله رب العالمين سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لكن إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم على الحضور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا وإلى اللقاء إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله